Les limites de la conscience collective. Si on commençait... On a bien commencé. C'est ça. C'est mouillé. Oui. Alors, une conscience collective, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un peu ce qui s'est passé. J'ai voulu remplir ton verre qui était déjà plein. Enfin, ce sont des nouveaux verres, n'est-ce pas, qui n'ont pas de fond et qui ont le don de dessus est bouché. Et ça te regardait, mais ça fait rire beaucoup de monde. Alors, qu'est-ce que la conscience collective? Ben, c'était déjà une réponse qui était autrement que théorique, qui était exclusivement pratique. La conscience collective, c'est une merde, c'est de la merde, oui, c'est le cas de le dire. Non, un jour, j'ai dit que c'était pas tout à fait de la merde, c'était un peu plus pire. Mais il n'y a pas de mot encore dans le langage français. Et disons que j'invente souvent des mots, mais je ne tiens pas à en inventer de ce côté-là. Surprenant. Ouais. D'autres vont le faire. Pour pouvoir comprendre, ou pour pouvoir parler de la conscience collective, il faut déjà être placé dans un point de vue qui n'est pas collectif. L'adolescent ne peut pas parler de l'adolescence, sauf si on le questionne, mais de lui-même, il ne peut pas en parler. Or, celui qui est collectivisé ne peut pas parler de la conscience collective, sauf si on lui pose des questions. Et celui qui devra lui poser des questions ne peut pas être quelqu'un de collectif. Alors que l'enfant ne connaît pas l'enfance, l'adolescent ne connaît pas l'adolescence, le jeune adulte ne connaît pas ce que c'est qu'un jeune adulte, et le vieillard ne connaît pas les vieillards. L'homme ancien... ou même l'homme transitif depuis le début des temps, c'est-à-dire que les temps qui m'intéressent, ce n'est pas la création de la planète Terre, ça c'est quelque chose de réellement banal. Depuis que l'être humain a une conscience d'évolution, depuis que l'être humain a une conscience d'identification, depuis que l'homme, depuis que la femme, depuis que l'enfant sait qu'il vit, donc depuis que l'homme a peur de la mort, l'homme emploie des termes. Et les termes que l'homme va employer ont toujours été des termes qui l'obligeaient, lui, à s'assujettir à une normalité, c'est-à-dire à un groupement. La conscience collective fait partie du mensonge cosmique, mais qui peut parler du mensonge cosmique s'il n'a pas une conscience cosmique? L'humain a toujours essayé d'entrevoir et d'expliquer les mécanismes qui l'obligeaient à évoluer, mais toujours à partir du point de vue de l'homme. Alors l'homme... créa Dieu à son image et à sa ressemblance. Alors l'homme créa des dieux rois. L'homme créa des dieux aux multiples armées. L'homme créa des dieux qui avaient des chouchous, des peuples de dieux, des peuples d'élus. Et l'homme créa même des dieux qui créèrent des villes ou des cités de dieux. L'homme créa toute une mécanique pour aller rejoindre ces dieux. L'homme créa les sacrifices humains. Disons que c'est la femme qui créait ça à l'époque du matriarcat. L'homme a continué un peu, mais c'est surtout à l'époque des sorcières, c'est-à-dire un peu avant le début de la Genèse. L'homme créa les sacrifices d'animaux. À l'époque du Nazaréen, on en connaît encore suffisamment, où on essaie d'immoler à des dieux des agneaux purs, c'est-à-dire blancs, des veaux purs, sans tache. Et l'homme crée par la suite des sacrifices plus banaux. On sacrifie un cierge, une chandelle, on sacrifie un peu de son temps, on sacrifie un peu ses genoux lorsque l'on monte des marches à genoux, on sacrifie un peu d'argent. Toujours dans l'espoir d'arriver à obliger ses dieux à subvenir aux besoins de l'homme. Lorsque l'homme tend à remercier ses dieux, il veut les remercier parce qu'il sait que cela fait plaisir à ses dieux ou à son dieu. Et si son dieu est content de lui, il laissera sans doute une place pour cet humain dans ce que l'humain appelle le ciel ou le paradis. Alors que l'humain, continuellement en quête de son Dieu, ne voit jamais de réponse divine devant lui, considère que cela est la preuve que Dieu existe. Pourquoi l'homme considère-t-il que Dieu existe, même si l'homme n'a pas de preuves scientifiques, de preuves textiles, de preuves textuelles, de preuves vivantes? De preuves biologiques, de preuves organiques. Pourquoi, lorsqu'apparemment un Dieu envoie une preuve, l'homme s'évertue-t-il à la détruire s'il ne la crucifie pas? Est-ce que l'homme peut se permettre d'adorer un Dieu à l'exclusive condition que jamais ce Dieu ne vienne prouver à l'homme que l'homme est dans le droit chemin. Lorsque le Nazaréen est venu sur la terre, les hommes l'ont rejeté. Avant sa venue, les hommes croyaient en Dieu. Depuis Moïse, que les hommes croient en un seul Dieu. Lorsque le Nazaréen est venu, on croyait en Dieu, mais au Dieu créé par l'homme, et non plus au Dieu créateur de l'homme. Lorsqu'on a crucifié le Nazaréen, par la suite, on a continué à croire, et une partie de l'humanité a décidé de croire en ce que le Nazaréen avait amené. Et si un jour un autre personnage divin se présente, lui aussi devra passer au bat. Étant donné que l'humanité ne peut pas, et pourquoi l'humanité s'évertue-t-elle à croire en des dieux plutôt que de constater les preuves de Dieu? Une personne va dire, j'étais dans le trou, j'étais en faillite, j'étais malade, et à un moment donné, j'étais guéri. C'est la preuve que Dieu m'aime. Alors pourquoi Dieu t'a-t-il rendu malade si Dieu t'aime? Pour jouir de te voir guérir. Les preuves que l'homme amène sont toujours des preuves futiles. Alors le scientifique va dire, oui, alors si Dieu n'existe pas, qui a créé l'homme? Alors moi, je pose la question scientifique, qui a créé Dieu? Dieu s'est auto-créé! Pourquoi pas l'homme? Non, l'homme est un cave. L'homme est un être déchu, qu'on va me répondre. L'homme est un être médiocre. L'homme est un être qui est malade, l'homme est un être qui a peur, l'homme est un être qui espère, l'homme est un serviteur de l'homme ou un serviteur de Dieu. L'homme est une descendance extraterrestre, me diront d'autres. Bref, tous ne savent pas quoi répondre et tous répondent toujours ce qui a toujours été répondu, ce qui est traditionnellement donné comme explication, c'est-à-dire que tous restent assujettis à une conscience collective qui les empêche totalement et obligatoirement d'amener du neuf, étant donné que tout ce qui est vivant est expliqué à partir du vieux, du passé. Alors on s'illusionne que parce que dans le passé, ce qui a été expliqué n'a pas été compris, en répétant l'explication, on va finir par comprendre. Non, il faudra l'expliquer différemment. Il ne faudra pas répéter. Alors, dans la répétition ou dans la prononciation différente de l'explication, l'homme se contente seulement d'altérer un peu la tradition. On appelle cela interpréter. Alors, l'homme se permet d'interpréter la tradition. On ne peut pas interpréter une tradition, on ne peut pas faire du neuf vivant avec du vieux mort. L'homme n'a pas encore le privilège de cette puissance. Par contre, l'homme a un privilège. Lorsque l'homme vient au monde, il sait. Il le sait. Il n'a pas appris. Il ne connaît pas la mécanicité. Il sait, lorsqu'il vient au monde, qu'il doit têter, parce que s'il ne tète pas, il meurt. Il sait, sans comprendre, qu'il doit respirer, parce que s'il ne respire pas, il meurt. Il sait qu'il doit manger, à un moment donné, et qu'en mangeant, il doit déglutir, c'est-à-dire avaler. Sinon, il y a un problème. Il sait. Il sait qu'il a besoin d'eau. Il sait. Et ce savoir est du savoir instantané, un savoir qui n'a pas besoin d'être appris par l'homme. Même les animaux savent cela. Et c'est la seule parcelle de conscience supramentale ou de conscience instantanée ou de conscience de l'esprit qui a été léguée à l'homme lorsque l'homme s'était restrifié, c'est-à-dire que lorsque l'esprit est venu créer l'homme, c'est-à-dire lorsque l'esprit s'est auto-créé et est devenu l'homme. Lorsque l'homme est apparu sur le contexte terrestrifié de notre planète, il a automatiquement oublié, perdu le contact avec ce qu'il était. Disons, avec ce qu'il est. À partir de ce moment, il n'est resté qu'une seule trace dans une sphère, dans un monde parallèle qui entoure notre planète. Un monde parallèle qui va porter dans l'antique religion la terminologie de « ciel ». Il ne reste qu'une seule trace de ce qu'était l'homme, et c'est ce que j'appelle les archétypes. Ce qui instruit l'homme de ce que l'homme se doit d'être, c'est la base même du mensonge cosmique. La conscience collective, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui oblige une personne à demander l'opinion d'une autre personne. Tout ce qui empêche l'homme de supporter ses propres pensées, de supporter ses propres idées, de supporter son propre savoir. fait partie de la conscience collective. Lorsque l'homme transitif commence à comprendre le phénomène de la manipulation, lorsque l'homme transitif commence à comprendre la mécanicité satanique ou luciférienne de l'évolution de l'homme, ou même de l'involution de l'humanité, lorsque l'homme transitif, la femme transitive, commence à comprendre cette mécanicité, elle se révolte. La conscience collective a été instaurée par les intelligences. Il n'y a pas une seule maudite chose sur notre planète qui n'a pas été régie par les intelligences. Du point de vue de l'homme, lorsque l'homme observe les lunettes qu'il porte au bout de son nez, il se dit « qu'est-ce que ça fout là, ça? » Lorsque l'homme ose regarder au travers de ses lunettes, il voit beaucoup plus loin que sans ses lunettes. Mais il doit hélas supporter le poids de ses lunettes s'il veut continuer à voir plus loin. L'homme ancien ne supporte pas le poids de ses lunettes. L'homme ancien préfère observer, se disant « je ne peux pas regarder avec des lunettes, c'est interdit par Dieu. Sinon, je serais venu au monde avec la vue. Alors, je préfère continuer de voir le monde comme un myope, de voir le monde flou, imprécis, indécis, ne pas être capable de reconnaître une personne et de m'imaginer que c'est un tel, donc de prier Satan en pensant prier Dieu, de parler à son grand-père qui est mort. En réalité, on parle à n'importe quel phénomène fantomatique qui provient du monde des morts. De penser dire à quelqu'un qu'on l'aime, lui communiquant qu'on l'haït. Évidemment, il y a l'inverse. L'homme finit par ne plus être capable de comprendre ce qu'on lui dit. Lorsqu'une personne lui dit qu'il a faim, l'homme pense qu'il a faim biologiquement. Lorsqu'un enfant vient pleurer, l'homme pense qu'il est malheureux, alors que l'enfant demande peut-être quelque chose d'autre. Lorsqu'un mari ou lorsqu'une femme veulent se communiquer ensemble, souvent ils s'engueulent parce qu'ils n'arrivent plus à comprendre ce qu'ils veulent dire. Pas par les maudits mots, par ce qui se dégage énergétiquement de l'un par rapport à l'autre. Prenons l'exemple d'un enfant qui est à l'hôpital. Il a une jambe brisée. Alors évidemment, lorsque ses parents viennent, il veut voir ses parents. Il dit à ses parents, achetez-moi ceci, achetez-moi cela. Alors les parents disent, oui, c'est normal, pauvre petit, il s'ennuie. On va y acheter ses jouets. Alors les parents achètent les jouets, ils amènent les jouets à l'enfant, ils donnent les jouets à l'enfant, et quand les parents partent, l'enfant broye encore. L'enfant voulait donner un prétexte pour obliger ses parents à revenir. Alors, l'enfant ne pensait pas que ses parents étaient pour lui envoyer ses jouets par la poste. Alors, il s'est dit, si je demande de quoi, les parents vont revenir. Mais les parents avaient pressage. Je sais, j'ai travaillé à Sainte-Justine. Les parents venaient me voir, ils me disaient, je ne comprends pas, comment ça se fait, on lui donne ce qu'il veut. Ça, c'est ce qu'il demande par la parole. Ce n'est pas ce qu'il veut. Étant myope, l'homme ne peut pas constater. Alors, l'homme va dire, mais pourquoi qu'il ne dit pas? L'enfant étant lui aussi myope, n'a plus accès à une parole juste. Il a perdu le contact avec un ajusteur de pensée qui permet donc l'ajustement de la parole, ce qui fait que l'enfant exprime quelque chose. L'enfant n'a même pas conscience parce qu'il ne peut pas le penser qu'il veut ses parents. Inconsciemment, il veut les parents. Il est collectif. Il ne peut donc pas exprimer clairement quelque chose. Tous les enfants, la grande majorité, vont passer par la même mécanicité pour inviter leurs parents à venir plus souvent. Ils passent par la même mécanicité. On peut étudier ça et appeler ça psychologie. Si l'homme cadre dans un phénomène psychologique, si on peut mettre des barèmes de conscience psychologique, si on peut mettre des barèmes d'évolution, si on peut mettre des barèmes de souffrance, des barèmes de maladie mentale, des barèmes de désir, c'est que l'homme est collectif. L'homme est collectif en ce sens que nous pouvons manipuler des masses pour la simple raison que nous savons quels sont les critères qui forcent chacun des individus à se rejoindre dans une masse massive. Et si on a ces cordes de manipulation, on peut automatiquement manipuler le peuple et faire avec le peuple ce que l'on veut. Tandis que chaque individu du peuple ne veut pas, tout le peuple le fait. C'est la conscience collective. Donc, on peut créer des sociétés avec la conscience collective. Une société où chacun est responsable de rien, mais où tout le monde est responsable de tout. Qui punir? Personne. Et en même temps, tout le monde. Alors, on punit tout le monde comment? Par nos violeurs. Ça crée une peur. Par nos voleurs, par nos assassins. Par nos ceci, par nos cela. Par la drogue, on crée. On punit. On tient et on punit. Chacun devient responsable et chacun paye par la drogue. Tous les parents ont peur que leurs enfants deviennent drogués. C'est le poids de la société. Par l'alcool, on fait payer l'humain, l'individu. Et toutes ces choses par lesquelles on fait payer l'homme le rendent encore plus collectif. On ne peut manipuler un être humain que s'il est collectif, mais on ne peut pas manipuler un être humain qui est individuel. On ne le peut pas. Qu'est-ce qu'un individuel à ce moment-là? L'individuel, c'est lorsque l'être humain a la faculté de penser de par lui-même et de supporter le poids de sa pensée. Si on veut une terminologie plus précise, c'est lorsque l'être humain a la possibilité de savoir et lorsqu'il est capable de supporter le poids de son savoir. Cela veut dire que l'homme qui, quand je parle de l'homme, sachant toujours que je parle de la femme, que l'homme qui est individuel n'est plus attiré par la mode. Je parle évidemment d'une finalité d'individualisation. L'homme qui est individuel ne peut plus se sentir coupable. Il se sent responsable parce qu'il a l'intelligence, parce qu'on ne peut pas être individuel sans intelligence. Lorsque je parle d'intelligence, je parle d'une véritable intelligence, je ne parle pas d'intellectuance. Je ne parle pas d'une intelligence qui s'apprend, je ne parle pas d'une intelligence qui va être léguée par la faculté neuronique génétique, je parle du savoir instantané qui permet à l'être humain de savoir instantanément une chose sans jamais l'avoir apprise. Exactement comme il a su téter, comme il a su que l'eau était nécessaire. Plus l'être humain apprend, moins il sait si l'eau qu'il boit est potable ou non. Pourquoi? Parce qu'il ne fait plus référence à ce savoir. Même si ce savoir est instinctif, c'est un savoir instantané extrêmement banal, animal. Lorsque l'homme apprend, l'homme fait référence à ses mémoires. Faisant référence à ses mémoires, il ne sait plus si son steak est bon ou pas bon. Il ne sait plus si ses fruits sont bons ou pas bons. Il ne sait pas si l'eau est comestible ou non. L'Indien le savait. Les personnes qui vivent d'une façon moins industrialisée le savent. Les grands-mères savaient comment guérir les petits maux et même les gros maux des enfants, les gros maux familiaux. Mais aujourd'hui, on ne sait plus. On ne sait plus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris. Plus l'être humain apprend, moins il sait. C'est normal, parce que le savoir n'a rien à voir avec la connaissance. Plus l'être humain apprend, plus il devient collectif. Parce qu'il doit continuellement se référer au bagage planétaire d'informations, donc à la mémoire ou aux connaissances planétaires, pour pouvoir référer, pour pouvoir comprendre sa vie, pour pouvoir répondre à ses problèmes, à ses besoins. Imaginez-vous que l'homme est aujourd'hui obligé de faire une analyse statistique d'empoisonnement pulmonaire dans des usines où ce qu'on vit avec de l'amiante, par exemple, pour savoir si l'amiante crée des problèmes ou non. Toute la gang tousse, crache le sang. Le sang coagule plus vite parce qu'il est filamenté d'amiante. Alors, c'est sûr qu'une personne qui souffre d'amiantose risque pas de trop de problèmes si elle fume. Ses poumons peuvent plus brûler. Ils sont couverts d'amiante. Ça a des bons côtés. Il faut supporter le poids. L'être humain ne sait plus. Est-ce que la pollution... Bon, on va analyser. Ah, voyons donc. Demande à n'importe quelle personne dans la rue tout seul si la pollution nuit, va dire oui. Demande à tout le monde en gang, ils vont te répondre, vu qu'ils ne savent pas. Non, parce qu'en gang, l'homme ne sait pas. Alors maintenant, il faut qu'on fasse des analyses. Il faut qu'on prouve au peuple que c'est nécessaire d'investir des milliers, des millions ou des milliards de dollars dans un phénomène de dépollution. Mais il faut amener des statistiques. L'alcool au volant, est-ce que ça tue tant que ça? Alors, c'est pas la question posée. Est-ce qu'un gars ivre peut chauffer un char? Ça, c'est une question posée. Mais c'est pas ça qu'on pose. Faut qu'on fasse des statistiques. La conscience collective serait reliée à l'ego. À ce moment-là, la conscience individuelle pourrait être peut-être synonyme de mental. Pour expliquer la conscience collective, il va falloir qu'on cerne un peu la création même de notre planète et de la condition, disons, évolutive ou involutive de l'homme. Une chose certaine, c'est qu'on doit toujours se rappeler qu'un troupeau de moutons conduit par un lion, c'est vachement dangereux. Regardez l'Allemagne. Mais un troupeau de lions conduit par un mouton, aucun problème. C'est ça, la conscience collective. Lorsque l'homme va apprendre, lorsque l'homme va être capable de supporter la déconnexion de la conscience collective, cela veut dire que l'homme va accepter d'évoluer à son propre rythme, plutôt que d'attendre le rythme évolutif de sa communauté. Je donne un exemple. Vous êtes haïtien. Vous déménagez au Québec. Vous êtes français, vous déménagez au Québec. C'est sûr que la France, c'est bien meilleur que le Québec. C'est sûr qu'Haïti, c'est bien meilleur que le Québec. Alors, qu'est-ce que vous faites au Québec? C'est la question que les Québécois sont toujours posées. Vous êtes chilien, vous arrivez au Québec. Vous êtes vietnamien, vous arrivez au Québec. Vous êtes chinois, vous arrivez au Québec. Vous êtes juif, vous arrivez au Québec. Vous êtes grec, vous arrivez au Québec. Alors, automatiquement, la conscience collective va obliger ces personnes à créer le Chinatown, à créer une partie de ville, une ville italienne, à créer une ville juive, à créer dans la ville, dans la collectivité déjà présente, à refuser tout à fait l'adaptation et l'ingestion pour essayer de rester eux. Alors qu'ils sont continuellement confrontés à ne plus être eux, mais à évoluer. Alors, le Chinois regrette toujours sa Chine. Alors, l'Italien regrette toujours son Italie. Alors, le Chilien regrette toujours le Chili. Alors, l'Haïtien regrette toujours son pays. Alors, on va dire, oui, mais c'est normal, on vient, donc c'est notre pays. Ben oui, alors, c'est votre pays. Vous êtes apparu sur ce pays-là, germinativement, sans savoir ce que vous faisiez. Et si le pays vous a laissé partir, c'est qu'il veut plus de vous autres. Sinon, vous seriez resté dans votre pays. Alors, lorsque l'Haïtien vient au Québec, il doit devenir Québécois. Lorsque le Québécois va en Haïti, il doit devenir Haïtien. Sinon, il y a un maudit problème d'empêchement d'évolution. On interdit carrément aux communautés qui viennent vivre chez nous de s'adapter. Évidemment, toute la conscience collective du Québécois ne veut pas que l'Haïtien se prenne pour un Québécois. Ne veut pas que le Grec se prenne pour un Québécois. Ne veut pas que l'Italien vienne prendre notre job. C'est ça, les empêcher de devenir Québécois. C'est notre job. On est tellement collectif qu'on ne veut pas que personne vienne toucher notre drapeau. Puis après ça, 20 ans après, on se dit « Ouais, mais ils sont jamais adaptés. » La seule façon que la conscience collective des immigrants a de survivre à la nôtre, évidemment, c'est de transporter leur conscience collective nationale ici. Ça va de soi. Mais c'est la conscience collective. Comment voulez-vous qu'une population, qu'un peuple avance si continuellement il se multiplie en petit peuple? On n'est même pas fichu encore de régler les problèmes raciaux, les problèmes nationaux d'une même communauté. Prenons l'exemple du Canada. Mais le Canada est raciste. On a un Chinatown, on a une ville italienne, on a Saint-Léonard, on a des parties juives, on a des parties grecques. J'ai rien contre les Grecs, contre les Juifs, contre les Italiens. Mais j'ai contre toutes les villes qui viennent naître dans une ville. Comment pouvons-nous régler les problèmes multinationaux planétaires? Comment pouvons-nous arriver un jour à penser que l'être humain va vivre en paix quand déjà même dans nos rues, on n'est même pas capable d'éliminer les frontières? Oh oui, il y a le droit d'être italien, il y a le droit d'hisser son drapeau italien tous les matins, ça y tente. Il y a le droit, tant que l'homme est inconscient, tant que l'homme est ignorant. Et s'il le fait devant chez moi, je vais le laisser faire. Mais il faudra qu'un jour, lui, comprenne que le drapeau qu'il doit hisser, c'est pas celui de l'Italie. On n'est pas en Italie. Il se sentira toujours rejeté ou toujours un conquérant, mais jamais il ne se sentira adapté. Pourquoi? Parce qu'il reste assujetti à une conscience collective qui peut être génétique et éducationnelle, qui l'empêche carrément d'évoluer. Regardons ceci, pour les intellectuels avertis. Tout le monde sait aujourd'hui, parce qu'on a fait des études, parce qu'évidemment on n'était pas capable de le savoir sans faire d'études, que lorsque deux races se mélangent et créent des enfants, le corps physique des enfants est plus résistant et plus solide. Alors, lorsque deux nations se mélangent sur les autres plans, c'est le même phénomène qui se passe. La conscience collective, elle a empêché la blanche de se marier avec un noir pendant longtemps. Elle a empêché le chinois de se marier avec un français. Elle a empêché les différentes ethnies de se mélanger ensemble. C'était yark, ça se faisait pas. Et pire, la conscience collective, un peu plus avant ça, interdisait même à ceux qui n'étaient pas du même sang de se mélanger. Alors on préserve ainsi le sang royal. C'est ça la conscience collective. Alors les rois étaient très collectifs, les rois ont préservé le sang royal, les rois sont devenus fous génétiquement, génération après génération. Et ils ont été renversés. Lorsqu'un Français ou lorsqu'un clan écossais interdisait à une femme de se marier avec un autre clan écossais, prenons juste l'exemple imbécile de nos Indiens d'Amérique. Si une femme parmi vous se marie avec un Indien, elle devient indienne. Elle a donc le droit de bénéficier du fait qu'elle n'a pas de taxes à payer quand elle achète de quoi. Elle a le droit de ceci, de cela, elle est indienne. Mais si un homme se marie avec une Indienne, l'Indienne devient blanche. Elle a perdu tous ses droits d'Indien. C'est pas être collectif, c'est pas une conscience collective. On a encore des Indiens, des tribus, qui ont des particularités. Tu sais, les Indiens disent, ouais, mais un jour, vous êtes venus prendre nos territoires. Ben ouais, non, vous êtes nous au monde ici comme eux autres. On a volé personne. Il serait temps que ces Indiens-là deviennent comme nous autres. Ou qu'on devienne comme eux autres. Mais qu'il se passe, qu'ils cessent d'avoir deux nations collectives sur le même territoire. La conscience collective, c'est tout ce qui vous oblige à demander l'opinion d'un autre. Nuance à faire entre rechercher de l'information parce que vous n'êtes pas encore capable d'être ajusté, donc de communiquer, d'entrer en communication avec vous-même, avec votre esprit, mais demander l'opinion. Cela veut dire demander à un autre ce qu'il pense de ceci. Alors que l'autre n'a pas le savoir instantané, alors que l'autre, lui aussi, demande l'opinion de d'autres. C'est être tout à fait assujetti à la conscience collective. Je ne peux pas faire ça parce que tout le monde pense que c'est pas correct. Alors personne ne saura jamais. Un jour que j'étais interviewé, j'avais 18 ans, 19 ans, par Radio-Canada, on me disait carrément que ce que je voulais faire était impossible. Alors moi, j'ai répondu, oui, c'est impossible tant que l'humain ne l'a pas fait. Et pour répondre à ça, j'ai juste fouillé un tout petit peu dans les annales akashiques, c'est-à-dire dans la mémoire placée au niveau du ciel, ce que la Bible, ce que la religion catholique parle du grand livre, là, bon, on va lire de temps en temps. Mais c'est pas un grand livre, faites-moi confiance, il n'y a pas d'éditeur assez... Bon, et puis, ben effectivement, c'était impossible de voler, c'était de voler dans les airs, n'est-ce pas, tant que l'homme ne l'a pas fait, c'était impossible de penser aller dans l'espace, tant que l'homme ne l'a pas fait, c'était impossible à penser de disséquer un être humain, tant que Léonard de Vinci ne l'a pas fait. C'était impossible de penser à faire de la microchirurgie cérébrale, tripoter le cerveau, tant que l'humain ne l'a pas fait. C'était impossible de penser à transplanter un cœur. Voyons, non, un cœur, transplanter un cœur. Un instant, on le fait. C'est tellement impossible, tellement de choses. Tant que l'homme ne l'a pas fait. Mais le problème, c'est que malgré que l'homme se prouve continuellement qu'il n'est pas un imbécile, il préfère vivre assujetti à sa tradition. Et dans la tradition, on explique bien que l'homme est un imbécile. Tout ce qu'on peut m'amener au niveau traditionnel, je peux vous expliquer ce que ça veut dire et je peux en même temps vous le démolir si ça peut vous être utile. Sinon, je peux le renforcer. Parce qu'il n'y a rien sur cette planète qui a été laissée sans intelligence. Tout dépend du point de vue où se place l'observateur. La conscience collective, c'est ce qui rend l'homme honteux. Pourquoi vous avez honte de quelque chose? Je vous donne un exemple. La première fois que vous avez fait l'amour, c'est possible que vous aviez honte après. Certains s'en rappellent peut-être plus. Bon. Lorsqu'une personne se fait voir nue chez elle, elle pensait que ses enfants n'étaient pas là ou que la voisine n'était pas venue chercher du sucre, elle peut aussi être gênée. La gêne est une forme de honte. Pourquoi l'homme a-t-il honte? Et comment on collectivise par l'éducation? Tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte. Il n'y a pas honte, mais il devrait. Il devrait. Parce qu'une personne normale devrait avoir honte. Personne normale. C'est quoi être une personne normale? Si tout le monde a un bouton bleu sur le bouton bleu est correct. C'est normal. Quelqu'un qui vient au monde ou qui un jour perd son bouton d'un accident de char, c'est comme s'il perdait un sein. Et plus normal. Qu'est-ce que ça fout à une femme qui lui manque un sein ou deux? Est plus normale. Quand elle se met en bikini, ben il faut qu'elle se mette des seins synthétiques. Parce qu'elle ne peut pas supporter le poids d'être elle. Elle ne pourra supporter que le poids d'être comme tout le monde. Si tout le monde perd les seins, pas de problème. Dans l'église, t'es en train d'en perdre des bons paquets, puis il s'adapte. Mais sinon, non. Comment pouvons-nous supporter le poids d'être nous? Les handicapés, leur gros problème, c'était quoi? Ils peuvent pas essayer d'être normal. Quand t'es pas normal, à ce point-là, t'es pas normal. Mais la collectivité, la bienfaisante collectivité, les bons chrétiens et les bons tous les autres, leur ont rendu la vie tellement dure que le gros handicap des handicapés était les normaux. Pourquoi ne pas arriver un jour à être capable de supporter ce que nous sommes? J'écoutais dernièrement une émission de télévision où on avait sur une certaine plage, une plage entretenue par des personnes qui pratiquaient le naturisme. Et il y a du monde qui venait se baigner, mais qui pratiquait l'artificialisme. Et il y avait une personne qui interviewait ça, qui interviewait les deux personnes. Et la personne qui se défendait, qui avait fait fermer, qui avait fait interdire la plage aux naturistes, elle disait que elle, son corps, elle le respectait. Dieu ne nous a pas donné un corps pour qu'on le pavane devant tout le monde. C'est drôle parce que la femme qui parlait, elle n'avait pas un beau visage. Enfin, pas ce qu'on... Et puis, elle dit qu'elle ne pavane pas son corps devant tout le monde. Il faudrait qu'elle s'enferme dans une scaphandre tout à fait opaque. Parce que son nez, on le voyait. Ses lèvres, on les voyait. Ses oreilles, on les voyait. Sa tête, on les voyait. Le haut de son buste et la moitié de ses épaules, on les voyait. Ses jambes, à partir du bas des cuisses jusqu'aux pieds, on les voyait. Et ses pieds n'étaient pas ce qu'il y avait de plus esthétique non plus. Et en plus, son costume de bain laissait la possibilité d'envisager enfin, disons qu'il y a pas mal de stock là-dedans. Il fallait un bon costume de bain pour maintenir le tout. Et alors, elle ne pavane pas son corps devant tout le monde. Elle le respecte parce qu'elle a été instruite collectivement que le respect du corps de l'homme était de le cacher. Plus t'aimes ton enfant, plus tu l'enfermes. Ce serait à peu près la même chose si on veut extrapoler. Quand tu fais une belle peinture, tu la mets dans un coffre-fort et tu la montres plus à personne. Tu n'oses même pas la regarder. Si tu la respectes. L'être humain est collectif parce que l'être humain explique toujours ce qui se passe présentement à partir de ce qu'il a appris. Et la question qui germe normalement dans l'homme ancien, c'est « Oui, mais si je n'explique pas à partir de ce que j'ai appris, comment je vais l'expliquer? » Comment ils ont fait, eux autres, avant de l'apprendre, pour expliquer ce que maintenant tu apprends, sur lequel tu te bases pour expliquer ta vie? On se base sur Freud, de moins en moins. On se rend compte que c'était une fraude. Fraude astrale. On se base sur Freud. Mais Freud se basait sur quoi? On se base sur Pavlov. Pavlov, il se passait sur quoi? Lui, il regardait les chiens bavés, puis là-dessus, il expliquait l'homme. Enfin, c'est un fait. Il travaillait, lui, sur la mécanicité de salivation des chiens. Et on s'en sert en psychologie. Quand on va au cégep en psychologie, dans le début de la psychologie niaiseuse, ben on apprend encore ce que Pavlov faisait, comment il trippait à regarder des souris. Et ça, c'est là-dessus que l'homme doit s'avancer, s'asseoir, pour un jour être dans un bureau, avec un beau pupitre, recevoir des humains, puis les replacer dans la société. Qu'ils deviennent psychologues ou psychiatres. Il se sert de quoi? Il se sert de comment l'homme était pour expliquer comment vous devez être. Alors, comment ça se fait qu'on a une société de fous? Et on a une planète de fous? Ben, c'est normal. Tu aimes la tarte aux pommes cuite micro-ondes. Alors, tu ne comprends pas comment ça se fait de savoir un psychologue, il te dit, lui, ben voyez-vous, les fours à charbon, ça donne... Tu dis, non, micro-ondes. Ouais, micro-ondes. C'est pas mal comme les fours à charbon. Fait qu'on va... Les fours à charbon, ça intoxique la tarte aux pommes, ce qui fait que c'est préférable que vous n'en mangez plus. Il dit, oui, mais c'est plus pas un four à charbon, c'est un four micro-ondes. Oui, mais Freud a dit que le four au charbon nuisait... C'est ça. Si vous voulez, comment voulez-vous expliquer le présent à partir du passé? Mon jeune, là, il était anormal, il était intelligent, puis fin, il foxait l'école. C'est normal. Plus qu'il est brillant, plus qu'il va foxer, plus qu'il va trouver le moyen de la foxer. Ouais, mais moi, dans mon temps, je faisais pas ça. Ça. Le jeune, il est vivant. Toi, dans ton temps, t'étais peut-être vivant, mais là, t'es mort en maudit. Comment ma mère m'a toujours dit, l'enfant pourrait répondre, toi, tu m'as jamais dit. Bon, c'est... On explique, on essaie toujours vous-même, tout le temps. Vous essayez de comprendre votre évolution, de comprendre ce qui se passe dans vos cœurs, ce qui se passe dans vos têtes, ce qui se passe dans votre corps vital, ce qui se passe dans votre corps physique. À partir de quoi? De ce qui a un jour été compris par une humanité passée. Et au nom du respect de cette humanité, plutôt que de se retourner en arrière, leur donner un bec et faire la même chose qu'eux autres, ben, on décide de foirer, on fait plus rien pantoute, on prend ce qu'ils ont fait, puis on essaye de l'adapter. Imaginez-vous si à l'époque, on aurait adapté l'homme de Cro-Magnon plutôt que d'écrire la Bible. Mais aujourd'hui, on expliquerait encore la mécanicité de Dieu à partir du marteau de pierre. Ce serait la tradition. Un jour, une étoile s'est écrasée sur la terre. Paf! Pouf! Il est sorti un paquet d'hommes, un paquet d'enfants, un paquet de bonnes femmes. Et puis là, il y a une autre étoile qui est apparue. Paf! Puis ça a fait pousser des arbres. On enseignerait ça à l'école aujourd'hui. Ben oui, parce que ce serait la tradition. Ça serait écrit dans ce maudit livre-là. Écrit par des hommes. Ah, c'est la parole de Dieu. Ben oui, mais c'est ça qui est écrit dans le livre, c'est la parole de Dieu. On peut pas se baser sur ce qui est écrit, c'est sûr. Vous prenez un livre, c'est écrit, ce livre dit la vérité. Ah bon, mais donc c'est la vérité, c'est écrit dans le livre. Ben c'est ça. La Bible, elle dit qu'elle a été écrite, que c'est la parole de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Ça complique énormément les choses. Ce qui est dans la Bible peut servir à l'homme de temps en temps. Lorsqu'une personne veut tout ramener sa tradition en arrière pour expliquer le présent, ça ne fonctionne pas. L'homme devient collectif parce que tout le monde explique. Regardez comment c'est la... Où est la farce? Que ce soit de la religion, que ce soit de la Bible, c'est des choses qui sont bonnes, mais il faut qu'on s'en serve là où c'est nécessaire. Que ce soit de la psychologie, que ce soit l'éducation, que ce soit n'importe quoi. Vous avez tous des problèmes différents, en essence similaires parce que vous êtes des hommes. Donc, vous avez des problèmes d'amour. Normal, l'homme aime. Vous avez des problèmes d'inquiétude, vous avez des problèmes de santé, vous avez des problèmes de conscience, vous avez des problèmes de conscientisation, vous avez un paquet de problèmes. Mais chacun, vous avez des problèmes différents des autres. Veut, veut pas. Et tous, vous vous basez sur la même réponse pour essayer de comprendre ce qui vous arrive. Ça crée un problème. C'est ça le collectivisme. Tous, vous vous basez sur la même réponse pour essayer d'expliquer tous vos problèmes différents. Quelqu'un pourrait me dire, oui, mais Dieu est la solution à tout. Peut-être, mais pas Dieu enfermé dans un bocal qui s'appelle tel livre ou tel livre. Si tu limites Dieu à 4800 pages, dis-moi pas que Dieu est la solution à tout. Il en manque une maudite partie. Et cette partie-là, si elle n'a pas été écrite dans le passé, peut-être qu'il manquerait de papier. Il faudrait peut-être penser à l'écrire aujourd'hui. Pas traduire, puis transcrire, puis interpréter ce qui s'est dit. Un jour, la Bible dit que l'enfant doit être circoncis. Sac, si j'aurais été l'écrivain de la Bible, j'aurais dit la même chose. Il y avait toute la phimosiste, la gang. Il se lavait pas. On s'adjamait toutes, ça les stérilisait toutes. C'était pas, ça allait bien mal avec un commandement qui disait « Croissez, multipliez-vous ». C'est un fait. Alors, à un moment donné... Ben, on circoncilait, ce qui fait que tu règles le problème. Ne pas manger de porc, ça va de soi. Le porc est tellement toxique, faut que tu le fasses cuire au bout. Mais à l'époque, ils cuisaient pas fort. Leur expliquer tout ça, ben non, ça disait pas ce que les hommes des cavernes. Alors, évidemment, on leur expliquait pas. Tu leur interdis carrément la viande qui les empoisonne. Tu règles le problème. Plus de porc, circoncision. Mais aujourd'hui, tout le monde se lave. Enfin, presque. Il y a des choses qui sont plus nécessaires. Dieu n'a pas fait naître le mâle avec un bout de peau qu'il fallait que le mâle chope. À un moment donné, on ôtait les amygdales à tout le monde. Ah oui, Dieu s'est trompé, il a mis deux boules à mauvaise place. Puis aujourd'hui, on se rend compte que ça a peut-être une utilité, mais on ne la connaît pas, l'utilité. Vous en avez des problèmes, c'est normal. Vous êtes des êtres humains qui évoluent, vous ne savez pas encore ce que vous foutez comme évolution. Donc, en attendant, vous vivez et vous survivez l'évolution. C'est quoi le problème majeur? Le problème majeur, c'est de toujours vouloir expliquer tous vos problèmes différents à partir d'une solution antique fixe. Moi, je vais mal. Mon enfant, je sais pas s'il doit lâcher l'école ou non. Fait que Job a dit... Voyons donc, c'est Napoléon qui a inventé l'école. Si je me réfère à Napoléon, je suis déjà plus proche, pas à Job. Alors, je vais interpréter, oui, mais ce que Job voulait dire. Mais s'il y a 3 millions de personnes qui disent ce que Job voulait dire, Job, il va avoir parlé en maudit. C'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. La tradition, savez-vous à quoi elle vous sert et pourquoi vous l'aimez tant? Que ce soit la tradition psychologique, la tradition médicale, la tradition religieuse, la tradition spirituelle, la tradition traditionnelle, excusez-moi, la tradition ésotérique, la tradition politique, la tradition nationale. C'est qu'elle vous sécurise. lorsqu'on n'a plus rien, lorsqu'on ne comprend plus, lorsqu'on n'a plus rien sur quoi s'attacher, soudain, on ouvre une armoire, il y a un crucifix, et ça nous supporte. On ne comprend pas, ça va mal. Tout d'un coup, on va dans un hôtel et puis on vient de lâcher sa femme ou son mari. On se couche dans le lit de l'hôtel. Une petite chambre toute petite, minable. On ouvre un tiroir, passe le temps, puis on tombe sur une Bible. Les pages rosées, quelque peu, déjà là, nous supportent. On prend la Bible, on l'ouvre n'importe où. On lit dedans et puis ça va mieux. Pourquoi? Parce que la tradition, elle est là pour supporter l'homme. Et parce que la tradition est là pour supporter l'homme, l'homme s'illusionne qu'il devra être supporté aux nuées complètement par la tradition. Savez-vous qu'est-ce qu'une béquille fait? Elle supporte lorsqu'il y a un problème. Mais l'homme doit supporter sa béquille lorsque l'homme est en santé. Les trains d'atterrissage d'un avion, c'est génial. Mais on sait très bien qu'un train d'atterrissage sur un Boeing a la particularité néfaste de faire écraser les Boeing. Sur les avions de chasse, les trains d'atterrissage ont la particularité de les faire décrocher. Ils s'écrasent eux aussi. Alors, est-ce qu'on a interdit les trains d'atterrissage? Non. C'était aussi nécessaire au décollage. Qu'est-ce qu'on a fait? On laisse le train, lorsqu'il est utile, lorsque l'avion a décollé, les trains rentrent à l'intérieur de l'avion. Et il n'y a plus de train. Alors l'avion devient aérodynamique, peut accéder à une puissance maximum. Un avion de chasse peut faire n'importe quoi, il est réellement libre, mais qu'il ne sorte pas ses béquilles. Parce qu'il va s'en servir de ses béquilles, il va les s'écraser direct au sol. Alors les avions sortent leur train d'atterrissage un peu avant l'atterrissage. Là, ils ont besoin de leur béquille pour se faire supporter. Sinon, c'est la catastrophe. La tradition, elle est là pour ça. Lorsqu'à un moment donné, vous perdez de la puissance, vous perdez en énergie, commencez à flotter, à descendre, ça va mal. On sort les trains d'atterrissage. On sort la tradition. On sort, on va même faire un tour à l'église. Même celui qui n'y a pas été depuis longtemps va trouver un réconfort. Il va se faire supporter. La tradition, elle est là pour ça. Mais lorsque l'être humain veut voler avec la tradition dans un avenir, la tradition, elle est passée, elle ne suit pas. Elle ne suit pas, elle va empêcher l'homme de pouvoir grimper. La tradition, c'est ce qui collectivise l'homme. C'est un train. Ça permet au décollage de l'homme. Ça permet au décollage commun. Tous ceux qui sont frustrés de la religion ne seraient pas où ils en sont aujourd'hui sans la religion. Ça leur a donné un décollage. La journée où tout semble s'enfoncer, s'effondrer, rien ne va plus, la tradition peut recevoir l'homme et le supporter. Entre ça, le train n'est utile qu'au sol. Et au sol, l'avion est effectivement un paquet de toasts massif qui prend bien de la place, qui est niaiseux. C'est con d'avoir des avions dans son garage. C'est quétaine. Un avion au sol, ça va pas vite. Ça prend des autoroutes immenses. Hein? Imaginez-vous un Boeing qui va Montréal-Québec sur l'autoroute. Mais ça, c'est l'homme lorsqu'il évolue avec la tradition. Il peut pas aller vite. Il sent en lui une puissance. Mais jamais il y a la preuve. C'est normal. Il décolle pas. Il ne peut pas avoir de preuve de puissance. Il sent une puissance dans ses moteurs. Il sent quelque chose. Mais il ne veut pas se supporter lui. Alors, il se supporte par les trains. Et si le temps, le moindrement à décoller, le train crée des perturbations éoliennes, aériennes, et l'air fait que l'avion vole tout croche, fait que le gars, la fille, l'enfant, ben, il atterrit au plus sacré dans sa tradition. Et là, une fois atterri, crime, tout va bien. T'avances lentement. Mais sûrement. Non, pas en tout. Traverse l'océan avec tes trains sortis en roulant sur une autoroute, tu vas couler. La seule chose importante à comprendre ce soir, je pourrais vous le dire en criant, je pourrais vous le dire en vous tirant tout ce qui est sur la table à côté de moi. La seule chose à vibrer, à cellulariser, à comprendre, mais pas à apprendre. Si vous l'apprenez, ça va remplir votre bagage. Ça va rien foutre. Vous allez vous dire, ouais, c'est vrai, c'est sûr que si. Ouais, c'est ça, mais ça ne change rien à votre vie. Tu sais, tout le monde sait que si on serait heureux, on serait pas malheureux, hein? C'est... Alors, quand tu es malheureux, ben, tu te dis, crème, si je serais heureux, je serais pas malheureux, ouais. ne change rien. C'est de l'apprentissage. La connaissance du passé ne peut pas venir vous aider jamais. Sauf la tradition lorsque vous voulez vous y reposer. Là, oui. Seulement là. Mais l'homme se repose à vie. Il s'assoit dans sa tradition et là, il se dit... C'est drôle, maintenant, je doute. Qu'est-ce qu'ils disent dans la Bible sur le doute? Bon, un tel doutait, puis c'est pas aussi si, c'est tabarnouche, je suis mieux de pas douter. Sac, je doute plus. Mais le Nazaréen doutait. On lui demandait, la loi est pas bonne. Parce qu'on lui posait la question, là, il a fallu qu'il se la pose, la question. Là, il a répondu. La loi est bonne. Je suis pas venu pour la changer. Je suis venu pour l'appliquer. Voyons donc, appliquer une loi qui a jamais été appliquée, c'est comme tu peux l'inventer tant que tu veux. Qui c'est qui va te dire que c'est pas ça? Ça a jamais été appliqué. Alors, il a ramené des commandements nouveaux. Il a tout transformé l'humanité. Au complet, de A à Z. Il a instauré une forme de prière. Voyons donc, il a amené des choses neuves. Il pensait pas que l'homme priait convenablement. Il a amené des clés. La messe, c'est lui-même qui l'a instaurée. Il a, non, c'est une nouvelle légifération religieuse. Ce sont des nouvelles lois. Le pardon, il y en a suffisamment parlé. Il a tout changé. Est-ce qu'il s'est dit, oui, mais là, c'est parce que là, Isaïe a dit... Non. La tradition est là pour supporter l'homme. Lorsque l'homme supporte la tradition, ça peut fonctionner. Lorsque la tradition, vous la rentrez dans vos poches, puis vous fonctionnez. Vous autres, dans votre intelligence, dans votre conscience... Ça marche. Ça ne veut pas dire de fonctionner exclusivement égoïquement. C'est-à-dire que c'est bien évident que lorsque l'homme lâche la tradition, il peut se sentir insécure. Il peut à un moment donné faire des faillites évolutives, temporaires. Une faillite, c'est toujours temporaire. On remonte. L'homme peut à un moment donné avoir des problèmes. Mais c'est pas en restant dans la tradition. Vous allez aussi avoir des problèmes, mais les problèmes en même temps que tout le monde. Des problèmes de guerre, des problèmes collectifs. Mais ce n'est pas en restant assis sur votre siège que l'homme évolue. L'avion qui est au sol ne risque pas de s'écraser. Jamais. Par contre, de temps en temps, ben, il y a un avion qui lui décolle au-dessus du dos puis qui crée des perturbations atmosphériques au sol et l'avion se promène. Puis les avions décollent. Alors, qu'est-ce que tous les avions, qu'est-ce que toute la collectivité fait? Mais elle veut interdire le vol aérien. Elle veut le limiter. Alors, elle veut normaliser les choses. C'est-à-dire qu'elle veut interdire à qui que ce soit dans la société d'avoir son opinion sans demander l'opinion d'un autre. Elle normalise. Un enfant à l'école qui dit carrément son opinion dans un cours de morale ou de religion a des maudits problèmes. C'est ça la normalisation. Allez n'importe où, je vous invite à une émission de radio de haute classe ou à une émission de télévision de haute classe et je veux avoir votre opinion sur Dieu. La grande, mais même presque tout le monde, vous allez me donner une opinion qui va passer, qui va plaire à la collectivité. Même si ce n'est pas ce que vous vivez ou ce que vous pensez, vous allez quand même, à petite coloration, mais en gros, donner l'opinion. À part certains personnages qui, soit sont manipulés par leur ego, soit par les forces intelligentes à leur insu, qui vont essayer de tout démolir, juste histoire de laisser du doute dans l'homme pour que l'homme se réveille. Si un être humain vient sur sa planète et qui dit « J'en connais un, c'est même un gars que j'ai même à qui j'ai travaillé. » On partageait pas nos opinions, mais on partageait le même travail. Il va dire « Dieu, c'est de la merde, les curés sont tous des ceci et des cela. » Bon, il va comme un bon. Ben oui, ça fait juste mettre un peu de perturbation chez l'homme. Mais les curés, c'est que c'est des êtres extraordinaires. Les prêtres sont des êtres formidables. Ils ne savent pas ce qu'ils font, mais ils le font bien, ce qu'ils font. Et c'est régi par de l'intelligence. Ils servent de train d'atterrissage. Le train d'atterrissage sur un avion, est-ce que c'est plus important ou moins important que les moteurs? C'est la même chose pour la tradition. La tradition, est-ce qu'il faut vomir dessus? Une fois qu'on a décollé... Ben là, on se dit, hey, hein, pff, tradition, tu sais, l'autre, c'est pauvre spiritualiste, pauvre cave, t'as encore pas eu là-dedans. Tu voles, toi. Puis à un moment donné, ben, tu voles moins. T'as fait un immense chemin sur tes amis, peut-être. Mais quand il faut maintenant atterrir pour prendre de l'essence, si t'as tout laissé tomber tes trains d'atterrissage, ou si tu sais plus sur quel piton peser pour qu'ils sortent, tu fais un atterrissage sur le ventre. Ça use plus un avion, c'est prouvé, ils ont fait des recherches, ça use plus un avion si elle atterrit sur le ventre que sur ses roues. C'est prouvé. C'est prouvé. Alors donc, le collectivisme permet à tout ce qui n'est pas intelligent en ce sens, à tout ce qui n'a pas de savoir, à tout ce qui n'est pas suffisamment puissant pour se supporter, de pouvoir être. Et c'est le collectivisme. Le drapeau, le Canada, c'est pas pour toi que tu vas, mais pas tout au moins pour ton drapeau. Les Anglais, mais pas tout au moins pour la reine. Je n'ai plus la reine. Programme collectivement parlant de l'énergie. C'est le collectivisme. Il est là pour supporter. Moi, on m'envoie à la guerre. Je suis désolé, c'est pas ma guerre. Oui, mais le Canada, je suis pas Canadien. Je suis en prison, je m'en fous. On va te tuer, tant pis. Ça me regarde pas. Pour aller à la guerre, faut au moins avoir un parti pris, hein? Faut au moins être d'une opinion. Si t'es pas d'une opinion, si t'es pas contre tel pays, ben va au moins pour le drapeau. Comme ta grande boîte, les voix de la nation sont déterminées. Comme ça, t'es pas déjà rentré, on fera bien trop de statut au moment de vie. S'en sortir de tout ce que tu penses, de faire, on de donner des maillots. Les conférences que je donne, j'espère que de temps en temps elles servent à quelque chose d'autre que juste mes conférences soirées. Je sais qu'elles servent pour beaucoup. Non, il n'y en a pas. Le monde est connecté, c'est pas ça. Il y a plus au cinéma. Là, ils savent que ça sert pour. Là, ils vont jouer une vidéo. Ça ne sert pas, mais c'est pas ça. Comment on s'en sort? S'entraîner à être soi. S'entraîner à se supporter. Il y a beaucoup de solutions tellement faciles que je pourrais donner. La grande majorité ne pourrait même pas. Solution facile serait que la grande majorité me juge. C'est pas mon jugement que. Ouais. C'est simplement que la solution facile va être correctement la deuxième solution. Évidemment, je sens des égaux qui disent ouais, mais moi je suis prêt. Quand on est orgueilleux, on est quand même. S'entraîner à être soi. Être capable de être soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas réapprendre à être soi. Subir un désapprentissage pour réapprendre, non. Ça veut dire laisser faire le passé et instantanément commencer avec vous autres. Ça veut dire ça. Ça veut pas dire de fouiller des vies antérieures, ça veut pas dire de s'apporter le fouiller dans notre enfance. C'est quand même pour ça qu'on va mettre du bleu aujourd'hui. Je me disais pas pour trouver un œil quand ça va. Je pense que maintenant c'est ma personnalité. Fait que là, je vais me faire régresser. Puis à un moment donné, j'apprends que oui, tous les semaines, j'avais un œil. Fait qu'à un moment donné, quand j'ai plus, je me sens plus. Là, je vais dormir. Tout ce qui présentement est donné à l'humain ne sert pas si l'humain va avancer rapidement. Quand je dis rapidement, soyons sérieux, à son rythme. Présentement, l'homme avance lentement, c'est que l'homme n'avance pas à son rythme. Il peut y avancer, il peut avancer. Alors, on ne peut pas voir ce que hier on a fait, c'est dans le passé on a fait, on peut recommencer. Je vous donne un exemple. Faites-vous compter à vos. C'est pas bon. Mais là, ce soir, à l'entraque du sorting, vous avez faim, il y a des chips sur les tables. Ils sont là, si vous en mangez, ils vont dire, hey, l'autre fois. Mais apprenez que la tradition. l'apparition de vos mémoires aussi, l'autre fois! Et l'autre fois. Tout le monde a le droit de changer. Évidemment, c'est ce que vous allez comprendre. Ça n'a aucune importance, le peu de souffrance que vous allez avoir lorsque vous allez accepter d'être vous, tant que les autres, la collectivité, vont vous donner pour vous récupérer, parce qu'on ne veut pas vous soucier vous, on va vous demander pour vous donner. Alors, tu prends tes chips, tu commences à en manger, tu prends ceci, tu prends cela, tu fais ce qui te va. Mais ça, c'est un truc banal, mais c'est pour vous faire comprendre ce qui se passe. Être soi, c'est être ce que nous sommes. Savez-vous ce que vous êtes? Mais premièrement, vous êtes des êtres physiques de corps, de chair, d'os, de sang et d'un paquet de phénomènes. Biologiquement. Déjà en partant, presque tous ici, vous ne pouvez pas accepter cela. Ne pouvez pas. C'est pas capable. Alors, c'est déjà un maudit problème. On veut savoir comment s'en sortir. Il y a une manière de commencer. Se promener à poil dans le métro de Montréal, c'est pas ça. Ajuster. Mais commencez par vous. Par être vous, au moins biologiquement. L'être humain veut être lui spirituellement, l'être humain veut être lui psychologiquement, l'être humain veut être lui en personnalité, l'être humain veut être lui où c'est compliqué, mais il n'est pas capable d'être lui où c'est facile. C'est bien trop dur d'être soi où c'est facile. Ça, c'est tough. Alors, on commence comment? On commence par être soi. Vous avez déjà une idée. On commence mollo, mollo, faut instruire l'ego, quel pauvre cave, faut qu'il lâche lentement ses traditions. Lentement. Et puis lentement, ça vient. Autre chose. Êtes-vous capable d'avoir une idée, une opinion, et de la dire, sans jamais vous choquer si on ne l'écoute pas? Parce que si vous vous choquez, c'est que l'opinion fait partie de votre personnalité, n'est-ce pas? C'est important pour vous qu'on vous écoute. C'est important pour vous qu'on vous accrédite. C'est du collectivisme. Vous avez besoin d'être supporté par les autres pour vous sentir correct. Tout le monde vient vous dire, c'est pas correct ce que t'as fait. Puis vous vous sentez coupable. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de savoir ce que les autres pensent de vous pour pouvoir vous permettre de penser de vous quelque chose. C'est de l'évolution que de lentement se diriger vers une conscience individuelle. C'est de l'évolution massive. On cherche des techniques, on cherche des solutions, on prie à tout bout de champ, on vend, on fait n'importe quoi, on achète. Ça évolue pas. Commencez donc par être simple. La Bible dit être simple d'esprit. Commencez donc par être simple de corps. On verra l'esprit après. Est-ce qu'on est capable de se voir la face telle qu'elle est? Et de décider à partir de maintenant que ça va être ça, ma face. L'homme qui perd ses cheveux, ben, il se demande s'il peut s'en faire planter. Il se demande s'il peut les pousser ceux d'en arrière vers l'avant. Il se demande s'il peut l'emprunter à son voisin. Il se demande s'il n'y a pas des cures miracles. Il se demande. La femme qui commence à avoir des plis autour du col, ben, elle se demande aussi s'il y a ci, s'il y a ça. Il y en a qui sont plus cochons que moi, hein? Bon. Est-ce que un jour, vous allez être capable de pouvoir supporter juste le poids de ce que vous êtes, même pas le poids du savoir. Vous voulez supporter l'esprit, vous voulez supporter même Dieu, vous voulez supporter je sais pas quoi. Juste commencer par se supporter dans le miroir. Le plus beau miroir du monde, ce sont les autres. C'est pas un miroir de verre. Être capable de se supporter devant les autres. Capable d'être soi. Première chose, facile. Oh, c'est bien trop facile. Oui, non, c'est pas ça qui va nous amener à évoluer. C'est quand même pas ça qui va. Ben non, hein, essayez-le surtout pas. Ça pourrait marcher. Quelqu'un va dire, ouais, j'en connais un. Moi, j'ai un gars qui est naturiste, là, puis il a pas l'air plus heureux que ça. Comment qu'il était avant? Et puis, si tu m'amènes ça, comme raison, moi, je vais t'amener une autre raison. Continue à être collectif. Puis continue à te baser sur les études puis sur les autres. Puis quand il y aura des statistiques qui démontreront telle chose, t'embarqueras. Puis la statistique est longue à sortir parce que moins il y a de monde qui le font, moins il y a de monde à étudier, ce qui fait qu'on attend. Hein? Si personne ne va se présenter qu'un cancer de poumon dû à la cigarette, ben on laisse le monde fumer. Quand le monde vient, ah, là, maintenant, c'est prouvé que c'est dangereux. Ben ouais, mais toi encore fume, fait que là, c'est pas mal tard. Ouais, mais mon voisin, moi, il a fait telle chose, ça a pas marché. Non, je sais bien. Ils l'ont opéré pour la prostate, ça a pas guéri son ulcère d'estomac, je comprends. Mais toi, c'est un problème de prostate. Si t'opères la prostate, ça peut guérir le tien. On fonctionne toujours à partir du voisin. Essayez le don pour vous. Si ça marche pas, vous le saurez. Vous le saurez. Allez pas dire, oui, qu'est-ce que tu penses, là, la conférence à soir? Là, penses-tu que c'est bon? Hein? C'était ci, c'était ça. Mais non, collectivisez-vous pas pendant le break. Êtes-vous capable de savoir par vous si ça avait de l'allure ou non? Ouais, ça devient plate, on peut plus parler. Voyons, non, ça fait une heure que je parle sans arrêt, puis je suis pas collectif, on peut parler en maudit. Posez-vous des questions et répondez-y. Ça, c'est pas du collectivisme. C'est travailler en commun. Mais pas d'une façon collective. Au niveau de la conscience. C'était-tu bon à soir? Oh ouais, c'était pas pire. Oh ouais, c'était bon, ouais. Quelqu'un rentre, ouais, c'était plate à la mort. Ouais, hein, je trouve ça, moi aussi. Ça. C'est de collectif. Tout le monde dit, hey, c'était plate. Il y en a un qui dit, c'était bon. Tout le monde le regarde. Il y a l'autre, là. Il dit, c'est pauvre cave. Mais le pauvre cave, s'il est capable de dire, c'était bon. C'est le gars le plus évolué de toute la gang. Parce qu'il est capable de se supporter. La question n'est pas de savoir s'il a raison ou tort. La question de savoir est-ce qu'il est capable de se supporter. C'est peu.